Yeah, par mes regrets, je te l'assure. Jamais je n'aurais dû autant m'investir. Tu étais trop jeune pour moi, ça c'est sûr. Je me suis plaint d'être un mur. Je n'ai même pas souffert. On peut me traiter de sale, je m'en fous. Je t'ai trompé avant la fin, je l'avoue. Mais je n'avais pas le choix. Je sentais que l'on n'irait nulle part. Oh. Je ne suis pas un match, je veux pas mon numéro. Tous les femmes, on nous mettait le moral à zéro. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je ne suis pas un match, je veux pas mon numéro. Tous les femmes, on nous mettait le moral à zéro. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dis-moi que tu ne m'as jamais trompé ni essayé. Et depuis longtemps de toi, je me méfiais. Je me suis mise à nu et tu m'as mise à la rue sans me prévenir ni même m'avertir. Tu m'as eu. Je ne suis pas un match, je ne veux pas mon numéro. Je suis pas un match, je suis pas mon numéro. Pour les femmes, vous nous mettez le moral.